entre la justice et la démence, je puisse me retrouver. Face à ma haine, au plus profond de moi-même, au dégoût d'avoir survécu, et Sarah qui me revient, l'hiver remis à demain, la soif qui mène. Autrefois réconfortant, plus j'avance, plus est étrange. Face à ma haine, au plus profond de moi-même, je deviens celui que je crains. Et Sarah qui me revient, l'hiver remis à demain, la soif qui mène. Sillonne le soir, plus je perds le nord, c'est faux dans mes accords, j'échappe. La cohérence de l'histoire, le doute laisse des traces dans ma mémoire.